rage, la rage. On tape toujours sur les mêmes. Maintenant, c'est l'Elysée qui s'y met. Ouais, Joey, il a encore eu une embrouille. Il s'était coincé à l'Elysée. Et il a dit qu'en sortant, il s'était fait fracasser. Depuis quand on fait des gardes à vue à l'Elysée maintenant? Putain, c'est un scandale. Notre flambie, là, c'est un maton maintenant. Putain, j'ai la rage. J'y pense, Samy Nasseri a peut-être déjà eu droit à un traitement de faveur, lui aussi. Pff, les boules. Comme si on s'acharnait pas assez sur lui comme ça. Après ces bonnes femmes qui supportent pas une petite correction, Jean-Luc Lemoyne et Doc Gynéco, les deux tapettes là qui ont rien dans le slip, comme Kader Marouf d'ailleurs, l'autre hôtesse de l'air là qui s'est plainte pour rien, mais attends, elle est hôtesse de l'air quoi, la base. Les autres balances de Belge là, le flic et puis ces enfuyés journalistes qui ont peur, les pauvres choux. Et puis franchement, un sage on peut lui taper dessus, c'est pas un homme quoi. Moi j'ai la rage putain. Puis, avec tous les casseroles qui traînent, même s'il a rien à se reprocher, il aurait dû se douter qu'il allait se faire choper, putain. En sortant de l'Elysée, j'étais bien fracassé. J'ai la rage.